sayo Sa son gwo konsey Fwe a te jan pote Te jan pale Se pou m koute Koute Pou tou sa kwe mal Na priye pou yo Fwe bien tou le jou Val mal pou mal Eseye priye Pou me chan sayo Sa son gwo konsey Fwe a te jan pote Bien, c'est pas tous les jours qu'on sort.